triste à en mourir, comme une suite d'accords mineurs, comme de passer des rires aux pleurs, triste à en crever, s'altérer la santé, se battre pour se relever, de situations merdiques, triste à en mourir. Mes paroles ont un impact, parce que quand je rappe, je mets pas de gants, parfois sans tact, parfois élégant, mais je suis resté intact. Le même depuis nature de l'erreur, quand je fais le bilan test, et je te fais marrer ou chialer car je suis habile en tech. Je me suis jamais travesti, ou juste un peu pour brailler, je me suis pas non plus investi parce que j'aime pas me faire tailler. Derrière mon dos, hypocrisie et merde de tous ces vices là. Je mets tous mes sons en ligne comme ça, j'ai l'impression que je vise large. Je balance mes chroniques lyricales, son. C'est toujours mon écho qui parle pour généraliser ce monde. Si t'as kiffé l'instru, c'est déjà pas mal. Si t'as pas compris mes phases, SX retient déjà mon place. C'est triste à en mourir, triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en crever. Triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en mourir. Triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en crever. Triste à en parler, triste à en pleurer. Triste à être écœuré, c'est triste à en mourir. Triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, le pire dans cette histoire, c'est mon sourire bête. Quand ça bat le chétan, quand il s'entête et quand je l'aide. À l'écart dans ce monde, automutilé de force, exilé, écorché vif, surexcité, perplexe sans cesse, au-dessus de la masse en complexe, au-dessus des guerres, au-dessus de ceux qui me contestent. Diable, on dirait que je te suis, tu m'as convaincu en moins de deux. Je suis pas tout seul, mais on est peu, c'est pas la peine de se faire une armée. Rien que ça les fait chier qu'on existe, hein, et moi ça me fait trop marrer. Je vais pas m'arrêter là, on va croire que je suis pas assez taré. Pas m'arrêter là, non, de façon qui peut m'arrêter. Vas-y, rempale ta fierté, on finira émietté. Tu sois pas ton RMiste, pas la peine de se la péter. C'est triste à en mourir, triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en crever. Triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en mourir. Triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en crever. Triste à en parler, triste à en pleurer. Triste à être écœuré, triste à en mourir. Triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en crever. Triste à en parler, triste. Triste à en pleurer de rire, triste à être écœuré, c'est triste à en mourir. Triste à en parler, triste à en pleurer de rire. Triste à être écœuré, c'est triste à en crever. Triste à en parler, triste à en pleurer. Triste à être écœuré.